première bastos dans la mare. Et ça part en coup d'éclat. Rien que ça joue les boss derrière la barre. Fuck ces magistrats et j'en néglige les causes. Et zappe les conséquences. Ils s'éclatent en maison close et te parlent d'obéissance. Envers leur loi, les structures faudrait être carré. Mais du peuple et de ses fractures, ils en ont rien à cirer. Ils préfèrent s'enrichir et enfermer les insolvables en se laissant pourrir sur une chaise aux frais du contribuable. Tous ces pantins sont racis, maniant l'art de l'hypocrisie, profiteurs de crise. Pour ce handicap, la bourgeoisie, la thune remplit leur poche, mais vide leur crâne. À croire que le parfum de l'aura n'apparaît pas dans les flammes. Certains pions sont en osmose devant toutes leurs acrobaties. D'autres au contraire en overdose de tout ce qui leur bassine. Mais ce Dieu détient la clé de chacun de nos parcours. Je serais pas surpris de les voir crever durant l'un de leurs du discours. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée mais nos valeurs en sont les cartes. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée mais nos valeurs en sont les cartes. En tant que mon détracteur, je ne lâcherai pas ce combat. Y'en a marre ces beaux parleurs des ministères au Sénat. Ça parle de liberté, d'égalité, mais combien l'accomplissent. Tous des parasites dans le fond, des rangs de leur matrice. Aucun ne nous représente, car l'État met son veto. Mais la voix du peuple ne gardera pas longtemps ses bras dans le dos. La force des notes, c'est sûr, fera le malheur des leurs. Nos convictions sont plus sûres vu qu'on a l'instinct de winner. Une bête battue n'est pas morte si son corps respire toujours. Donc ma population défiera leur coup de crasse. Au prochain tour, il n'est jamais trop tard. Pour que la France d'en bas se réveille, qu'elle fasse preuve de conscience. À chaque sortie de sommeil, leur jugement se fera, c'est sûr. À petit feu, mais à coup sûr, restons solidaires. Même si les coups durs perdurent, nos valeurs en tant que prolétaires vaincront cette démocratie. Même si pour ça, beaucoup périront des conditions de l'autarcie. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée, mais nos valeurs en sont les cartes. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée, mais nos valeurs en sont les cartes. Leur kiff se manipuler qu'une modeste attraction. Partie. La partie est truquée, mais nos valeurs en sont les cartes. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée, mais nos valeurs en sont les cartes. Leur kiff se manipuler au mépris de nos raisons. La voix du peuple fait pour eux qu'une modeste attraction. L'unité pour ce rempart afin qu'ils ne puissent nous abattre. La partie est truquée, mais nos valeurs en sont les cartes.